Dans les discussions aimables qui ont lieu entre les seigneurs et les dames, brille déjà le diamant de la causerie française. Marguerite se plaît à en faire nous miroiter les facettes. La galanterie est le ton obligé des hommes, même de ceux qui ne disent le plus de mal des femmes que parce qu'ils en pensent peut-être le plus de bien. La vieille courtoisie française respire dans les gracieuses et spirituelles attaques que Simonteau, grondeur et charmant, dirige contre ses belles ennemies. Saffredant lui-même, qui affiche la mauvaise opinion qu'il a des femmes, avoue qu'il mourra d'un désespoir d'amour. Il est vrai qu'autour de lui on sait à quoi s'en tenir sur ce genre de trépas. Madame Oisil, malgré sa gravité, dira très bien une autre fois « Dieu merci, cette maladie ne tue que ceux qui doivent mourir dans l'année ». Rien de plus amusant que la petite guerre que se font ces deux époux, Hircane et Parlamente, ou pour mieux dire Henri de Navarre et Marguerite. Au fond de leur malicieuse taquinerie, que de tendresse encore. Et cependant, bien que la jeune femme ne paraisse pas prendre trop au sérieux les infidélités de son mari, on voit déjà dans la légèreté de ce grand seigneur du XVIe siècle la cause des chagrins que le roi de Navarre fera éprouver à sa femme. Hircane est faible, il l'avoue. Il nous dit qu'il s'est souvent fois confessé, mais non pas guère repenti, de ses profanes et changeantes amours. Il ajoute « Le péché me déplaît bien et suis mari d'offenser Dieu, mais le plaisir me plaît toujours. » Toutefois, cet homme qui reconnaît sa fragilité sait bien que si la créature humaine est portée au mal, elle est uniquement préservée par la grâce de celui à qui l'honneur de toute victoire doit être rendu. Oisil et Parlamente ne diront pas autre chose. Ne croyons pas trop Hircane, lorsqu'il paraît traiter légèrement jusqu'à la dignité du foyer. Il est ravi de l'aimable vertu que personnifie sa compagne, et ainsi que tous les hommes présents, même les plus cyniques en parole. Il se plaît à voir Parlamente donner pour fondement au mariage l'honneur et la vertu. Il faut en conclure que nous ne devons pas prendre trop à la lettre les maximes perverses que la reine de Navarre met sur les lèvres de quelques-uns de ses personnages. D'eux aussi, l'on pourrait dire qu'ils sont des fanfarons de vice. Il ne me reste plus qu'à regretter que la plume d'une femme, aussi vertueuse que Marguerite, ait retracé plus d'une conversation où la licence du langage ne traduit que trop l'immoralité de la pensée. Que d'expressions malsonnantes, elle, femme, fait employer ici, non seulement devant les femmes, mais par la femme même. Je ne reconnais pas ici le chaste langage des lettres et des poésies de Marguerite, et en remarquant ce contraste, je me suis demandé s'il ne faudrait pas accuser les premiers éditeurs de l'Heptamérone d'avoir prêté à la reine de Navarre la licence de leur style. Les dernières recherches de la science bibliographique sont venues confirmer mon impression. Les endroits les plus immoraux de l'Heptamérone sont dus à Gruget. Toutefois, il existe encore à l'actif de Marguerite des pages trop nombreuses dont j'aimerais fort à lui voir disputer aussi la maternité. À la décharge de la princesse, nous avons besoin de nous rappeler qu'habituée à l'excessive liberté qui caractérise la langue du XVIe siècle, elle ne remarquait pas toujours peut-être les images qui nous choquent si vivement aujourd'hui dans ses contes. Nous l'avons vu, si la causerie française scintille pour la première fois dans les contes de la reine de Navarre avec sa vivacité piquante, sa grâce enjouée, courtoise, elle n'a pas encore cette réserve, cette délicatesse que les femmes lui donneront plus tard à l'hôtel de Rambouillet, et que leur seule présence imposera dès lors à la bonne compagnie. En dépit de toutes ces réserves, c'est déjà le salon français qui nous apparaît dans ce livre, le premier ouvrage en prose qu'on puisse lire sans l'aide d'un vocabulaire. La poésie de Marguerite est inférieure à sa prose, ou plutôt, comme on l'a dit, c'est de la prose versifiée. Il n'en pouvait être différemment à une époque où la langue française n'était pas encore pliée au rythme poétique. Nous ne retrouvons guère dans les poèmes de Marguerite la gaieté de ses contes. Nous n'y retrouvons pas non plus, Dieu merci, la crudité de langage et la légèreté de l'Heptamérone. C'est bien la femme chaste et dévouée que nous voyons dans le recueil poétique, qui, malgré les défauts de la versification, l'abus et le mysticisme protestant du langage théologique, nous fait pénétrer dans le cœur même de Marguerite, ce cœur que remplit le plus tendre et le plus généreux amour fraternel. Faut-il relever ici le soupçon qu'avait fait naître de nos jours une lettre écrite par Marguerite à François Ier captif et dont les termes obscurs couvraient une grave négociation politique? Détournées de leur sens, les expressions de cette lettre avaient fait supposer à des érudits que Marguerite avait eu à lutter toute sa vie contre un sentiment criminel, sans toutefois y succomber. La vérité des faits est aujourd'hui rétablie, et Marguerite demeure un type sacré de la sœur. Je retrouve encore cette admirable sœur dans la correspondance qu'elle entretint avec son frère, et dans les lettres que, pendant la captivité du roi, elle écrivait aussi bien à Montmorency qu'à François Ier. C'est la prose de l'Heptaméron au service des sentiments les plus purs de l'âme humaine. La tendresse fraternelle fut la vie même de Marguerite. Certes, l'amour filial y tint aussi une grande place. Louise de Savoie, malgré ses actes criminels, aimait ses deux enfants et en était aimée. Se met bel et bien de sentir l'amitié que Dieu a mise en notre Trinité, disait Marguerite. Mais lorsqu'elle parle du sentiment qui confond sa vie dans celle de son frère, alors c'est plus que la Trinité, c'est l'unité. Ce n'est qu'un cœur, un vouloir, une pensée. Suivant l'énergie passionnée de son expression, elle aurait un pied au sépulcre qu'une lettre affectueuse de son frère la ressusciterait. Ce frère, elle le voit beau, chevaleresque, généreux, héroïque. Elle ne connaît que ses brillantes qualités. Elle ignore ses vices. Il est son roi, son maître, son père, son frère, son ami, son Christ même. Mais de Christ, dit-elle. Dans le poème intitulé « La coche », la monotonie de ce long débat d'amour disparaît quand Marguerite fait surgir l'image de François Ier. L'éloge de ce frère bien-aimé éclate dans un chaleureux lyrisme. C'est pendant la captivité de François Ier que la tendresse de Marguerite se déploie dans toute sa puissance. Ainsi, l'affection grandit par l'épreuve. Marguerite appartient ici à l'histoire, et ce n'est pas dans ce chapitre que nous devrions la suivre. Mais comment nous résigner à séparer en deux cette séduisante figure? Et d'ailleurs, comment le pourrions-nous? Les apparitions de Marguerite dans le domaine de l'histoire sont dues non à l'intrigue politique, mais à l'amour fraternel. Et les sentiments qui lui ont dicté cette intervention généreuse ont laissé un si vif reflet dans ses poésies et dans sa correspondance que la Marguerite de l'histoire appartient elle-même aux lettres françaises. C'est cette grande affection de sœur qui fait de Marguerite une ambassadrice pour obtenir la délivrance du roi prisonnier de Charles Quint. Sa merveilleuse intelligence, son habileté, sa finesse, son éloquente parole, tous ses dons de Dieu, elle les emploiera à la délivrance de son frère, comme elle le dira sur la route de Madrid. Mes larmes, mes soupirs, mes cris, dont tant que je sais la pratique, sont mon parler et mes écrits, car je n'ai d'autre rhétorique. Son dévouement fraternel lui fera braver la mer doubleuse, les fatigues d'un voyage d'Espagne pendant les grandes chaleurs. Mais que ne ferait-elle pas, elle qui, pour sauver son frère, jetterait au vent la cendre de ses os, elle qui, mourant pour cette cause, croirait gagner double vie? Une existence inutile à son frère lui semblerait pire que 10 000 morts. Il connaissait bien ce dévouement, ce roi captif et malade, qui appelait sa Marguerite. En attendant qu'elle puisse le rejoindre, elle lui écrit des lettres remplies de foi et de tendresse. Sœur, elle le console. Chrétienne, elle le soutient et lui montre dans l'épreuve la source de l'espérance. Plus cette épreuve grandit, plus le secours du ciel est proche. Et durant cette pénible attente, Marguerite n'oublie pas de veiller sur le royaume de François Ier. Allégeant pour la reine mère le poids de la régence, elle s'applique surtout à lui gagner les cœurs. Comme elle prie Dieu de bénir son voyage. Quelle hâte d'entendre ce mot « partez ». Enfin, elle l'a entendu ce mot. Elle est en route. « Je ne vous dirai point la joie que j'ai d'approcher le lieu que j'ai tant désiré », écrit-elle à Montmorency. « Mais croyez que jamais je ne conçois que c'est d'un frère que maintenant, et n'eusse jamais pensé l'aimer tant. » Dans ce voyage que d'angoisse, son frère est bien malade, mourant peut-être. Le reverra-t-elle? Sur la route d'Espagne, sur la route poudreuse et brûlante, elle volait, dit le légat du pape, le cardinal Salviati qui la rencontra. Mais elle trouvait que sa litière n'avançait pas. Le désir du bien que j'attends me donne de travail matière. Une heure me dure 100 ans. Et me semble que ma litière ne bouge ou retourne en arrière. Tant j'ai de m'avancer désir. Oh, quelle est longue la carrière! Ou à la fin, j'y mon plaisir. Je regarde de tous côtés pour voir s'il arrive personne, priant sans cesser, n'en douter. Dieu que santé à mon roi donne. Quand nul ne voit, l'œil j'abandonne, à pleurer, puis sur le papier, un peu de ma douleur j'ordonne. Voilà mon douloureux métier. Oh, qu'il sera le bienvenu, celui qui frappant à ma porte, dira « Le roi est revenu, en sa santé très bonne et forte. » Alors sa sœur, plus mal que morte, courra baiser le messager, qui telle nouvelle apporte que son frère est hors de danger. « Avancez-vous, hommes et chevaux, assurez-moi, je vous supplie, que notre roi, pour ses grands maux, a reçu santé accomplie. L'or serait de joie rempli. Là, Seigneur Dieu, éveillez-vous, et votre œil sa douceur déplie. Sauvant votre Christ et nous tous, sauvez Seigneur, royaume et roi, et ceux qui vivent en sa vie. Vous le voulez et le pouvez. Aussi, mon Dieu, à vous m'adresse, car le moyen, vous seul le savez, de m'ôter hors de la détresse. Changez en joie ma tristesse. Las, hâtez-vous, car plus n'en puis. » C'est une princesse française qui prie en même temps qu'une sœur, et dans ce cœur généreux et tendre, la double pensée de la patrie et de la famille se joint à la foi ardente qui la vivifie. Cette foi est encore la foi catholique, nous allons le voir. Dieu, le roi, la France, voilà ce qui va donner à Marguerite d'Angoulême l'une des plus sublimes inspirations que l'histoire ait eu à enregistrer. La princesse est auprès de son frère, mais l'émotion de cette entrevue a mis le roi à l'agonie. Un jour vient où il ne voit plus, n'entend plus, ne parle plus. Alors Marguerite fait célébrer le saint sacrifice de la messe près du lit de l'agonisant. Un archevêque français officie. Des Français remplissent la chambre de leur roi, et sa sœur prie pour lui. L'archevêque s'approche du mourant. Il l'adjure de porter son regard sur le Saint-Sacrement, et le roi se réveille. Il demande la communion et dit « Dieu me guérira l'âme et le corps ». L'hostie est partagée entre le frère et la sœur. Au royal captif que tuait la nostalgie, Marguerite a rendu sa famille dans sa sœur, la France dans ses compagnons, son peuple dans cette foule agenouillée, Dieu lui-même, Dieu consolateur dans le prêtre qui prie pour sa délivrance. Et ajoutons-le, dans le Verbe incarné, dans le Rédempteur qui fait revenir des portes du tombeau, le frère de Marguerite, le roi de France, le roi très chrétien, est revenu à la vie. François Ier aimait à reconnaître que sa Marguerite, sa mignonne, l'avait sauvée, et il n'ignorait pas qu'il ne pourrait la payer que par la tendresse qu'il promettait de lui garder toute sa vie. Après avoir rendu la santé au mourant, Marguerite a encore une mission à remplir, celle de délivrer le captif. Cette mission d'amour fraternel, elle l'accomplit avec la fierté d'une princesse française. Elle s'arme d'une noble indignation pour reprocher à l'empereur de maltraiter son suzerain, de n'avoir aucune pitié d'un prince généreux et bon. Elle lui rappelle que ce n'est pas ainsi qu'il gagnera le cœur de son rival, et que, le fit-il mourir par ses mauvais traitements, le roi de France laissera des fils qui vengeront leur père. Marguerite impressionna Charles Quint, et plus encore les conseillers de l'empereur. Sa grâce, sa beauté, sa douleur rendaient plus pénétrante son éloquence déjà si persuasive. Il fallut que Charles Quint défendît au duc de l'Infantado et à son fils de parler à Marguerite. En mandant ce détail au maréchal de Montmorency, la princesse ajoutait « Mais les dames ne me sont défendues, à qui je parlerai au double ?» Elle savait en effet leur parler au double, témoin le succès avec lequel elle intéressa à la cause de son frère la propre sœur de Charles Quint. Embrassant le mariage de François Ier avec Éléonore, elle fit de l'empereur le geôlier de son beau-frère. La délivrance du roi était proche. Mais Marguerite n'eut pas la joie de ramener elle-même son frère en France. Elle avait déjà éprouvé une poignante douleur quand elle avait dû le quitter pour se rendre auprès de Charles Quint. Elle aurait voulu que ce calice s'éloignât d'elle, mais sa foi vaillante avait prononcé le fiat. Toute une nuit après cette séparation, elle avait rêvé qu'elle tenait la main de son frère dans la sienne. Elle ne voulait plus se réveiller. Son chagrin se renouvela quand, sa mission terminée, elle dut remonter seule dans cette litière, où elle aurait voulu garder son cher convalescent. Elle souhaitait ardemment que son frère la rappelât. Mais toujours forte et résignée dans son affliction, elle soutenait encore le captif par de pieuses pensées. Elle lui écrivait que le Dieu qui l'avait guéri saurait bien le délivrer. L'empereur croyait que Marguerite emportait un acte qui ne faisait plus de François Ier qu'un prisonnier ordinaire, l'abdication du roi. Il voulut faire arrêter la princesse. Marguerite accéléra sa marche. Franchissant les Pyrénées, elle revit la France. Mais de Montpellier, elle écrivait à son frère que le travail des grandes journées d'Espagne lui était plus supportable que le repos de France. Ce qu'elle appelait le repos était encore l'activité du dévouement fraternel. Après le retour de François Ier, nous la voyons travailler, la Guyenne, pour que la noblesse de ce pays revienne sur le refus de contribuer à la rançon du roi. Marguerite est alors remariée au roi de Navarre. Elle brave les fatigues d'une grossesse pour être utile à son frère. Elle aime son mari. Elle aimera sa fille, Jeanne d'Albret. Mais ses affections seront toujours subordonnées à son attachement fraternel. Elle-même le dit. Elle n'aime mari et enfant qu'autant qu'animés de son esprit, ils seront prêts comme elle à mourir pour le roi. François Ier lui confiait volontiers de grandes affaires diplomatiques. Elle s'en chargeait pour le soulager, mais avec tant de discrétion qu'il serait difficile de préciser ce qu'a été ici son influence. Ses lettres nous la montrent parcourant la Provence, la Bretagne, la Picardie, pour servir les intérêts du roi. En rendant compte à François Ier de l'état où elle a trouvé le camp d'Avignon en 1536, Marguerite d'Angoulême laisse éclater un patriotique enthousiasme. Elle voudrait que l'empereur vînt assaillir le camp alors qu'elle y serait. Même ardeur en Guyenne l'année suivante. Si Charles Quint menaçait le pays, Marguerite n'en partirait qu'après avoir chassé l'envahisseur. Devant l'arrogance et la déloyauté de Charles Quint, elle dit que toute femme voudrait être homme pour abaisser l'orgueil de l'empereur. Combien elle voudrait pouvoir y aider cette sœur, qui, après le roi, a plus porté que son fait de l'ennui commua à toute créature bien née. En 1537, Marguerite regrette avec énergie de n'être pas au camp de son frère. Car en toutes vos affaires où femme peut servir, depuis votre prison, vous m'avez fait cet honneur de ne m'avoir séparé de vous. Elle souhaiterait d'être une hospitalière du camp. Elle va même plus loin. Naguère, pendant la captivité du roi, elle avait réclamé l'office de laquais auprès de sa litière. À présent, elle renoncerait volontiers le sang réal pour servir de la chambrière à la lavandière du roi. Et vous promets ma foi, monseigneur, que sans regretter ma robe de drap d'or, j'ai grand envie, en habit incongru, m'essayer à faire service à vous. Monseigneur qui, en toutes vos tribulations, n'avait jamais tant tenu de rigueur que de séparer de votre présence et du désiré moyen de vous faire au service. Votre très humble et très obéissante sublette et mignonne Marguerite. Ne pouvant suivre le roi à la guerre, elle prie pour lui. Elle ordonne pour lui des prières publiques. Elle lui adresse aussi de prudents conseils. Charles Quint assiège Landrecy. François Ier, qui fait ravitailler la ville, conduit à Cateau-Cambrésis 30 et quelques 1000 hommes. Marguerite s'effraie d'autant plus que, connaissant la valeur du roi chevalier, elle sait que cette bravoure l'exposera à tous les périls. « Je suis sûr, écrit-elle à François Ier, que vous n'avez aucun pionnier dont le corps porte plus de travail que mon esprit. » Dans une poétique épître au roi, elle nous redit ses angoisses. Nous voyons ses larmes, nous entendons ses prières. Puis lorsque l'empereur s'est éloigné, quelle ivresse! Malade, la reine de Navarre entraîne son mari à l'église pour le tédéum de la victoire. De tous mes mots reçus auparavant, je n'en sens plus, car mon roi est vivant. Partout et toujours les émotions de son frère font frémir sa plume ou vibrer sa lyre. Aux heures de tristesse, François Ier aurait pu lui adresser les beaux vers qu'elle place sur les lèvres d'un prisonnier. « Las, sans tour bien présumé je peux, que toi et moi n'ayant qu'un cœur tous deux. Si dans mon corps l'une moitié labeur, l'autre moitié dedans le tient en pleurs. » L'allégresse comme la douleur, tout lui est commun avec son frère. Après 10 ans de mariage, la bru de François Ier, Catherine de Médicis, donne-t-elle le jour à un fils premier-né? Marguerite s'associe au bonheur de l'aïeul jeune encore et mêle ses larmes à celles que de loin elle lui voit répandre. « un fils » s'écrie-t-elle dans son délire. Elle se trouva une occasion où cette douce créature ne sut point pardonner. Son frère était l'offensé. Qu'il est bien plus facile en effet de pardonner à nos ennemis personnels qu'aux ennemis de ceux qui nous sont chers. Et c'était cette même femme qui se jetait aux pieds de son frère pour lui demander la grâce d'homme qui l'avait outragé. L'influence de Marguerite sur le roi fut toujours une influence de paix et de douceur, alors que, venu à La Rochelle pour dompter une révolte, le souverain ne sait que donner aux rebelles un cœur de père et pleurer avec ceux qui donc a mis dans son cœur cette tendresse miséricordieuse. Sa sœur, qui lui écrit combien elle est heureuse de sa magnanimité. Alors qu'il fait grâce à des protestants que les supplices attendaient, c'est encore Marguerite qui a intercédé pour eux. elle-même abrite les proscrits dans son royaume de Navarre et dans son duché d'Alençon. Malheureusement, elle ne se borna pas à cette intervention généreuse, et si son amour fraternel l'empêcha d'embrasser ouvertement le luthéranisme, nous avons déjà remarqué qu'elle adopta à une époque de sa vie les erreurs de ceux qu'elle défendait. Elle y était entraînée par son libre esprit, avide de nouveautés, et par l'attrait qui la poussait vers la théologie. J'ai remarqué plus haut que cette dernière passion fut un péril, non seulement pour sa foi, mais pour son talent d'écrivain. Cette influence gâta souvent sa poésie, et dans sa correspondance avec Brissonnet, fit tomber dans le galimathias sa prose d'ordinaire si précise, si claire. Ses poésies mystiques, surtout le miroir de l'âme pécheresse, sont d'une lecture assez fatigante. Toutefois, malgré la monotonie de la pensée et le style alambiqué de certains passages, on y sent palpiter le tendre cœur de Marguerite, avec son humilité chrétienne, son amour pour le Christ, sa confiance dans la miséricorde du bon pasteur. On reconnaît aussi dans ces pages un esprit nourri de la Bible, et l'on y découvre par moments une heureuse inspiration des livres saints. La grandeur infinie de Dieu, la misère de l'homme y sont quelquefois dépeintes en traits saisissants. Dans le poème intitulé « Discorde et tentant l'homme par la contrariété de l'esprit et de la chair, et paix par vie spirituelle », Marguerite développe cette admirable pensée. Noble d'esprit et sert celui de nature. Comme Racine le fera plus tard, elle s'inspire de saint Paul pour représenter le combat de l'esprit contre la chair. « Je ne fais pas le bien que je veux faire. »